devient tout. On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier? Mais qu'est-ce que vous merdez? Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I bet you don't. On the rocks. Oh, j'ai une pêche, les gars, wouh! Amis du mois de juin, qui va bientôt se transformer en mois de juillet, bonsoir, c'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs, sauf pendant les grandes vacances, donc c'est la dernière de la saison. Reprise fin août, début septembre, bien sûr, mais pour l'instant... C'est la dernière, voilà, donc petite pause de 2 mois. Alors je vais vous proposer des musiques et des nouveautés qui j'espère vont vous réjouir tellement que ça va vous faire 2 mois. Ça vous allez 2 mois pour vous en remettre. Alors dans The Rocks, on a l'habitude de commencer par un morceau coup de cœur. Alors là, dire que c'est un coup de cœur, c'est un peu exagéré, mais je sens que vous avez besoin pour cette dernière de la saison, pour vraiment plonger dans l'été, je sens que vous avez besoin d'un morceau un peu stupide, un peu léger, façon un peu pop des années 80, vous voyez, mais à la fois une nouveauté, parce que par un truc que, voilà, qu'on a déjà entendu 1000 fois, quelque chose qui vient de sortir, qui est tout chaud, qu'on n'entend jamais pareil ailleurs, qu'on en, nulle part ailleurs, je veux dire, et en même temps, il faut que ça parle de l'été. L'idéal, ça serait qu'il y ait summer dans le titre. Très bien, j'ai ce qu'il vous faut ce soir dans The Rocks pour démarrer. Voici un morceau d'un groupe qui s'appelle Mum Ray. Ils viennent d'Angleterre et le morceau s'appelle tout simplement Summer. C'est très crétin, c'est gentillet, mais ça reste bien dans la tête. Et puis, bah voilà, pour démarrer la dernière de la saison, moi je trouve ça impeccable. Eliza, don't despair, you're not alone. I'm only happy when I'm with your soul. Eliza, don't despair, not alone. Eliza, don't you know? I'm only happy in the summer. Ah, ils sont forts, ces Anglais, par deux fois. D'abord avec Mumra pour démarrer l'émission On The Rock ce soir, la dernière de la saison. C'était le morceau Summer. Et puis à l'instant, ce morceau que moi j'aurais plus mis en coup de cœur. Voilà, j'inverse. C'est IDS, jeune groupe qui vient juste de sortir. Voilà, il y a quoi ? Il y a leur Facebook, il y a 500 personnes qui aiment. Donc voilà, ça démarre. Mais le morceau est complètement addictif. Ça s'appelle Same Guy, et puisqu'on est dans les Anglais qui proposent comme ça des morceaux un peu lumineux, des morceaux de l'été, ben on va faire un petit bond en arrière avec, pour moi, voilà, c'est un des morceaux imparables de la pop anglaise des années 90, c'est un morceau des Sundays qu'on s'est déjà diffusé, un morceau qui m'a sauvé la vie plus d'une fois. Le morceau s'appelle Summertime, il ouvrait leur album, qui, alors après, c'est un petit peu gentillet, un petit peu mou du genou ce qui suit, mais ce morceau-là, il y a une espèce d'état de grâce entre la mélodie, la montée en puissance, et puis la voix de la chanteuse. Vraiment très très beau morceau pour l'été, ça s'appelle Summertime. Ça, oui, c'est des souvenirs, hein. C'est pas récent, mais ça reste quand même très très bien. Voici The Sundays Down the Rocks avec Summertime. Tout ça, c'est pour vous préparer à vous mettre de l'huile solaire, indice 30, on va dire. Some people wonder where the money they don't in a hardship hotel room. It's what the heart is for. The bubble floats so madly when it stays sky high. Hello. This is my time. Forget about the girls. If they were you, they were my time. too soft in your touch, too tender in your heart. Some songs can break your fools apart. Fish food is all that you need. My fish food is all that I need. My fish food is all that I need. She said, honey, this is it, we're going full speed ahead. Cancel all the wheels, start standing on my chest. You're not good enough for love, stop trying to caress. Friends to you forever, to the gone and to the next. So sit back, let yourself be free. Fish foot is all that you need. My fish foot is all that I need. My fish foot is all that I need, oh Lord. Fish foot. Vous êtes dans The Rocks pour la dernière de la saison. Eh bien, je vous ai gâté. D'abord, les Sundays avec ce morceau parfait, Summertime, qui nous a rappelé des bien beaux souvenirs. C'est vrai que ça peut faire penser un peu aux Cocteau Twins, un peu à toute cette période, mais en tout cas, c'est lumineux. Et puis, à l'instant, c'était une nouveauté. Et c'est ce qu'on peut appeler un jeune prodige, puisque 18 ans, troisième album. Oui, 18 ans, troisième album pour Sammy Brew, qui vient de sortir cet album qui s'appelle Crashed Test Kid. Et le morceau, c'était Fish Foot, et c'est susceptible d'être peut-être l'album de votre été. En tout cas, je vous le conseille, cet album de Sammy Brew, tout est bien, même la pochette est sympa. Donc voilà, il a commencé à écrire ses morceaux à 11 ans, et puis il a sorti son premier album à 14. Et ben voilà, 18 ans, troisième album. Hein ? Bon. Alors, qui dit mieux ? On va continuer, puisqu'on était aux États-Unis avec ce jeune homme de Portland, Oregon. Eh bien, on va continuer encore aux États-Unis, mais cette fois avec des filles qui font un rock matinée de country, un peu de blues, et elles le font vraiment très bien. C'est Larkin Poo, ce duo féminin. Et voici un morceau de leur dernier album qui s'appelle Tears of Blue to Gold. Et puis après, on retrouvera deux chanteuses également en duo, américaines elles aussi, mais ça fait un moment qu'elles tournent. Je ne sais pas si les Larkin Poe étaient nées lorsque elles avaient commencé. Mais en tout cas, elles sortent toujours des bons albums. Elles ont un noyau de fans assez fidèle aux États-Unis. Ça n'a jamais vraiment traversé l'Atlantique. Et pourtant, c'est vachement bien ce qu'elles font. Et le dernier album ne déroge pas à la règle. C'est les Indigo Girls avec le morceau Howl at the Moon. Mais tout d'abord, voici un extrait du dernier album de Larkin Poe. Pour l'été, c'est parfait. Well, I live next door to royalty. A skinny little kid, just like me. We go hunt down the honeybees. Back in the days gone by. His daddy had a car that would go sometimes. That engine roar, he let us ride. Barbed wire fences flying far behind. Back in the days gone by. To the Lord rest my soul. Take me to the river. I've been delivered into the hands that reach to hold. To the Lord rock and roll. Sing it in the kitchen. Pass the ammunition. Turn all your tears of blue to gold. Factory man, made my living with my own two hands. That skinny kid moved up to Graceland. again. I can hear those memories sing. Time moves on like a melody, and I can hear those memories sing. Time moves on like a melody, and I can hear those memories sing. Time moves on like a melody, and I can hear. Turn all your tears of blue to gold. Turn all your tears of blue to gold. And all. l'instant, c'est un extrait du dernier album des Indigo Girls qui ont quand même sorti leur premier album en 1985. Elles en ont sorti une pelletée d'albums et ils sont tous vraiment très bien. Et puis juste après, juste avant, c'était les Larkin Poo, un peu plus jeunes évidemment, qui chantaient Tears of Blue to Gold on the Rocks, tiré de leur dernier album. Allez, on va aller cette fois en Allemagne, je crois qu'ils sont allemands, avec encore une nouveauté, c'est un groupe qui s'appelle Drenz. Je parle pas beaucoup entre les morceaux parce que j'ai plein de choses à vous faire écouter dans les deux heures pour cette dernière émission de la saison, que vous repartiez chargé de musique pour les vacances. Voici donc un extrait du dernier album de Drenz et le morceau s'appelle All My Friends Got Time. If we get lost, we don't see the end. If we get lost, we could be the last in here. If I could resist, I would stay. A child in the summertime, when all my friends got time. In the summertime, ooh. When I get old, I'm not afraid to die. était déconfiné dans le rock'n'roll, c'est partout, c'est mondial. D'abord avec Drains dans The Rocks, avec All My Friends Got Time, eux aussi nous parlaient de Summer Times. Et puis, juste à l'instant, c'était les Australiens de Space et Jane, tirés de leur premier album qui vient juste de sortir avec Good For You. Bah oui, que de la nouveauté dans The Rocks, que de la nouveauté qui va vous faire du bien pendant cet été. Bah, on continue, il n'y a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin. Voici un morceau encore rock'n'roll, celui-là, qui s'appelle... alors, comment s'appelle ce morceau ? Il s'appelle Bête Noire, comme en français, oui, oui, Bête Noire. Et le groupe, c'est On Video. Vous êtes dans The Rocks, vous avez bien raison. We'll be right back. Morceau qui, à la vérité, fait plaisir. C'était les Cooks à l'instant, voilà, que j'avais adoré sur les premiers albums, qui s'étaient un peu perdus en route, à mon avis, artistiquement, et qui ne sont jamais meilleurs que quand ils font du Cooks première période. Eh bien, les revoilà avec un très bon morceau dont le nom m'échappe, mais que j'avais retrouvé. Et puis, juste avant, c'était On Video avec Bête Noire. On continue encore avec une nouveauté dans The Rock. Je vous rappelle que c'est la dernière de la saison. Vous aurez 2 mois d'été pour vous replonger dans les archives dans The Rock sur ontherocks.net. Dans les émissions spéciales, voilà, il y a une émission spéciale Little Richard là qui à mon avis peut vous plaire. Et puis dans les émissions récentes, il y a 2 onglets sur le site ontherocks.net. Vous aurez 2 mois pour visiter tout ça et puis pour visiter cette émission que vous êtes en train d'écouter maintenant, que vous pourrez réécouter. Ça s'appelle Coach Party et le morceau c'est Oh là là. Yeah. Bon, d'accord, ils en font un peu des caisses. Moi, franchement, je trouve qu'ils en font un peu des caisses, mais ils le font quand même pas mal à l'instant. C'était un extrait du dernier album des Mystery Jets, voilà, groupe qu'on s'est déjà diffusé dans On The Rocks il y a quelques lunes de ceux-là. C'était le morceau Pretty Drone, et juste avant, c'était Coach Party. Vous voulez encore des nouveautés, encore du rock'n'roll ? J'en ai plein ma musette. Voici un groupe qui s'appelle Happy, on ne saurait mieux dire, hein, la joie, l'été, tout ça. Évidemment, un peu triste, hein, c'est la dernière de la saison. Mais je reviendrai avec On The Rocks sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et de Zef à Blois. Ce sera fin août, début septembre. Mais en attendant, voici donc Happy avec un extrait du dernier album. Ça s'appelle Sick Is A New Sane. They say the city never sleeps. Well, that makes two of us. Really back on my feet. Just as they start to run. But I don't really know what I did. It's making my head so sick. But I know what's coming for me. So wrap your hands around my throat and swear you'll never let me go. Guilty conscience. They fall out when I dream. Need to clean out my closet. But take another look, just a glance. Double down on a second chance. Ride or die for the rest of our lives. So wrap your hands around my throat. Let me go. C'est nouveau, mais c'est pas nouveau. C'est une reprise d'un titre, évidemment, des Laz, qui était un groupe sous-estimé. Hein. Je vous conseille de réécouter le premier album des Laz avec ce morceau absolument magnifique qui s'appelait There She Goes. Mais c'était la reprise par Circa Waves, qui l'ont repris quasiment copy carbone. Et puis juste avant, c'était Happy avec Sick is the New Sane. Alors voilà un album dont s'est déjà passé un morceau et que j'aime beaucoup. C'est le dernier album d'un artiste que je découvre maintenant qui s'appelle Mondo Cosmo. Alors, il vient de sortir un album, alors un peu mégalo, un peu too much, un peu, voilà, il veut trop en mettre, un peu trop copieux. Mais alors, vraiment, il y a une énergie dans sa voix et dans la construction de certains des morceaux de cet album qui est vraiment formidable. Voilà, donc c'est ma petite craquerie du moment. Ça s'appelle Mondo Cosmo et voici le morceau Black Cadillac qui fait étrangement penser au Waiting for My Man de Velvet Underground. Et puis, voilà, on se le passera. Mais entre les deux morceaux, on se passera autre chose. Donc, trois morceaux pour le prix d'un. C'est maintenant, c'est dans The Rocks. On solde, c'est la dernière de la saison. Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, you chasing all women around? Me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to different in my mind. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. He or shoes. Le vieux loup et sa bande, c'était The Velvet Underground à l'instant avec Waiting for My Man. Juste avant, c'était Oui, bien joué du Duchelet, Liminanas avec Russian Roulette, un de leurs premiers morceaux, avec toujours effectivement ce même rythme de batterie. Hein. Ils jouent toujours un peu le même morceau, mais ils le font très bien. Et juste avant, c'était Mondo Cosmo, tiré de son dernier album Black Cadillac. Allez jeter une oreille sur cet album, il est vraiment, vraiment intéressant. On va changer complètement de style avec, là on parlait de Lou Reed, et bien quelqu'un qui est à peu près de la même génération, mais qui lui est toujours vivant et qui lui fait toujours des morceaux incroyablement proches de ce qu'il faisait au début de sa carrière. Oui, ce morceau aurait pu être enregistré en 1968, 9, 10, 12, sans aucun problème, mais il est tiré du dernier album studio de Neil Young, à l'instant qui ne désarme pas le vieux briscard canadien qui a décidé de prendre la nationalité américaine juste le temps d'aller voter contre Trump et après de reprendre la nationalité canadienne. Voici un extrait de son dernier album. Oui, je vous assure, c'est 2020 et ça s'appelle Vacancy. Toujours la même voix. Alors bon, l'avantage, c'est qu'il avait déjà une voix de vieux quand il était jeune, donc forcément, on voit pas la différence. Who are you? Where are you going?

star des Cooks qu'on s'est diffusé tout à l'heure dans The Rocks. Voilà quelqu'un qui n'est jamais aussi bon. Je vais un peu couper la chic un peu vite. Qui n'est jamais aussi bon que quand il fait ce qu'il faisait au départ de sa carrière. Ça fait vraiment plaisir de le retrouver sur son dernier album tel quel. Il y avait quelques frémissements sur les albums précédents, mais il était perdu depuis 2-3 albums dans des expérimentations psychédéliques initiées par Dan Auerbach. Eh bien, il revient à ses premières amours, c'est-à-dire un folk rock simple où est mise en valeur sa voix absolument unique. C'était Ray LaMontagne, tiré de son dernier album, avec le morceau Strong Enough, où il fait du, allez, on va dire, du Faces et du Rod Stewart, comme Rod Stewart ne sait plus en faire. Et puis juste avant, c'était Neil Young qui lui fait du Neil Young avec Vacancy. Allez, encore une nouveauté, quelqu'un d'un peu moins connu, c'est Daniel Trakel. Le morceau, c'est Let Me Be, c'est dans The Rock, c'est une nouveauté. Et voilà, c'est plein de morceaux pour l'été, ça fait du bien. The restaurant's closed and all the buzz around. I haven't seen you in your clothes for a little bit of time. Every Tuesday we went to Chinatown before it was all closed down. I'm gonna put my gray suit on. If you will put your red dress on, I'm gonna meet you at the dining table. I'm gonna meet you at the dining. Honey, the president said we gon' be here for a while. Your parents out in the bay, they're still in denial. Don't know how long it will be, but until then you're still mine. I'm gonna put my gray suit on. If you will put your red dress on, I'm gonna meet you at the dining table. I'm gonna meet you at the dining table. Quelqu'un qu'on a eu le plaisir de voir à l'Astrolabe. J'espère qu'on aura le plaisir de voir plein d'autres gens à l'Astrolabe. À la rentrée, c'était G.S. Andara, tiré de son dernier album avec Lockdown One Date Night. Alors lui, on ne peut pas dire qu'il ait changé vraiment de cap. C'est exactement ce qu'on avait aimé sur le premier album. C'est sur le deuxième. Et Daniel Trackel avec Let Me B, voilà un groupe qui, à ma connaissance, n'est jamais passé à Orléans et jamais passé à l'Astrolabe, mais c'est un groupe assez fascinant, qui sort des albums qui sont souvent très bons. Et bien voici un extrait du dernier album en date, ça s'appelle The Flaming Lips, et le morceau c'est Flowers of Neptune, et vous êtes dans The Rocks. Et juste derrière, si vous aimez les voix féminines écorchées, c'est votre moment. Shadows. I tried to warn you. I know it's not my battle, but I'm a warrior and I can't help it. Can't you see how much I adore you? I know I could never save you, but I was born to. Magnifique crescendo sur ce morceau de Joanna Warren. C'est une nouveauté encore avec Twisted. Et puis, crescendo vocal, hein. Alors, vous avez entendu ça à la fin. Et juste avant, c'était The Flaming Lips avec Flowers of Neptune. Voilà un groupe qui a sorti deux albums l'année dernière. Oui, deux albums dans l'année. Et ben, paf, encore un nouveau morceau. Ils sont très, très forts. C'est un groupe qui s'appelle Big Sif. Mathieu Dufault, qu'on retrouvera peut-être bientôt un jour dans The Rock, si on a le droit à nouveau d'avoir des invités. Parce que pour l'instant, c'est seul dans les studios, contraintes sanitaires. Exigeante mais nécessaire, eh bien, il nous disait qu'il avait failli programmer ce groupe à Hop Hop Hop. Eh bien, j'aurais bien aimé, et puis j'espère qu'il va les programmer bientôt. Ça s'appelle Big Sif. Voilà, alors c'est pas vraiment sautillant, hein, dans les paroles et tout ça. Et ce morceau, bah voilà, c'est pas la Macarena pour cet été, mais c'est pour les soirs, les pieds dans l'eau, la lune au-dessus de la tête, la guitare, le feu de camp. Ça s'appelle Love in Mine, et c'est le dernier morceau de Big Sif dans The Rocks. Put your love in mine. Let your body sing when your words won't tell me everything. When I ramble on, extricator shells will be old and eaten red heat. Sister. body is a ghost town. Ground fog climbing up your skin. You can't feel anything. You can't feel anything else. This a crowd nest lies crawling over your face. You can't see anything. You can't see anything else. Mr. Glass. Just at home. Is so still. You should be shaking like you used to. You should be shaking. préparez-vous à décoller au festival au Pop-Up dans la salle du conservatoire, puisqu'ils joueront, et là vraiment j'attends ce concert avec impatience. C'était un instant Black Sea Dahu avec The Chord, et vraiment magnifique, magnifique album et magnifique groupe tout simplement, avec des magnifiques chansons. Tout est magnifique, donc Black Sea Dahu. Juste avant, il y avait Outhouse Flowers, évidemment, tiré de leur dernier fantastique album Three Sisters, et puis Big Sif avec Love in Mine. Allez, on continue avec un extrait d'un album des Regrets. Alors, The Regrets, j'ai passé ça beaucoup dans The Rock cette dernière année et l'année dernière. C'était un de mes albums préféré de l'année passée, album de punk féminin, un peu mélodique, un peu voilà, punk à roulette, un petit peu power pop. Eh bien, le dernier morceau des Regrets, c'est très surprenant, puisque c'est une sorte de petite mélopée, pratiquement avec une petite boîte à rythme derrière, un peu enfantine, un peu naïve. Vraiment, ils ne nous avaient pas habitués à ça, ce groupe The Regrets, mais ça leur va aussi très bien. Et décidément, c'est un groupe que je me plais à suivre et à vous faire découvrir dans The Rocks. Voici donc tiré du prochain album, probablement, The Regrets avec What Am I Gonna Do Today. What am I gonna do today? Is it gonna slip away? I don't wanna do whatever we do as long as it's with you. As long as it's with you. Both of us are always waiting for a time with nothing in our way. Both of us anticipating for a day that can turn into tomorrow without saying goodbye. What am I gonna do today? Is it gonna slip? Gonna do sudden, tender, I've been muttered. Damn, I guess I'm a dork. Le dernier morceau des Cayucas, groupe qu'on suit aussi dans The Rock, s'appelait Yeah Yeah Yeah, hein, c'était pas très compliqué. Un petit coucou à Xav d'ailleurs. Et puis juste avant, c'était The Regrets avec What Am I Gonna Do Today. Voilà un duo que je n'attendais pas. Il s'est réuni sur une bien mauvaise nouvelle, c'est-à-dire la mort de Zdar, musicien électro-français, membre du groupe Cassius, qui ont eu un petit tube avec Toop. Eh bien, voici Cat Power, c'est-à-dire Sean Marshall, qui chante ce morceau de Zdar en hommage à ce dernier. Toop Toop, donc, dans une version acoustique. Et elle est en duo avec M, c'est lui qui tient la guitare. Et vraiment, ça fait un morceau un peu tristoun, bien sûr, puisque les conditions, les circonstances sont un peu tristoun. Mais en tout cas, ça fait un joli morceau d'été de fin de soirée. After the world we all see, get my answers from the machine. You could put on the line so I get some peace of mind. Can't keep trying to deny, got no strength to keep up the fight. Hanging on to the ring, all I get is a machine. Toop toop, toop toop, toop toop, toop toop, toop toop. After the world we all see, I get my answers from a machine. You could just put me on the line so I can get peace of mind. After the world we all see, I get my answers from a machine. on the line, so I'll get some peace of mind. Can't keep trying to night. Got no more strength to keep up the fight. Hanging on to hear the ring. All I get is a machine. Toot toot. Toot toot. Toot toot. Toot toot. Toot toot. After the world we all see, get my answers from a machine. Put me on the line, so I get a peace of mind. I can't keep trying to deny. No more strength to keep up the fight. Hanging on, I hear the ring. All I get is a machine. Toop toop, oh, toop toop, toop, toop toop. Thank you. Je coupe la chic d'une chanson, je ne fais quasiment jamais, mais là c'est bientôt l'heure. Jessica Hoop, tiré de son dernier mini-live avec Pegasi. On se rediffusera ça à la rentrée, pourquoi pas. Si vous allez sur Spotify, je vous ai fait deux petites playlists d'été à vous de fouiner et de les trouver. Et puis voici, c'était Cat Power avec M Toop Toop. Et bien merci à toutes celles et ceux qui ont été à l'écoute ce soir et qui en sont à l'écoute depuis 28 ans. Je reviendrai donc avec l'émission On The Rocks d'à partir de fin août, début septembre. Guettez le Facebook de l'émission. Et pour terminer, bah, il faut que ça sente un petit peu l'été. Alors voici un morceau que je dédie tout particulièrement à mes copains qui m'ont fait une bonne journée quand même avec plein de trucs, de la réparation de panier, tout ça. Et puis un petit film bien sympa à la fin et bah, ça va leur rappeler des souvenirs. Ciao, bye bye à tous, bon été. Et voici donc Robert qui nous interprète Trois petits oiseaux. A bientôt, ciao, portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez de la liberté de l'été et rendez-vous fin août, début septembre pour On The Rocks.